Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, action et effets spéciaux. Après des années de croisade en Terre Sainte, le Templier Benhem et son fidèle compagnon Felson reviennent en Europe désabusés. Alors qu'ils aspirent à une vie paisible, ils découvrent leur pays ravagé par la peste noire et se retrouvent appréhendés par les hommes du cardinal. Accusés d'avoir déserté, ils risquent la prison. Ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter une étrange mission. Nous venons de loin, mon ami. Par-delà les océans et les déserts. Nous avons vu des choses que peu d'hommes ont pu voir. Et qu'encore moins pourront croire. On murmure à travers tout le pays que l'heure de notre jugement est arrivée. Quelle est cette folie? Une malédiction venue de l'enfer et déclenchée par la sorcière noire. Vous avez été reconnu coupable d'avoir pactisé avec le diable. Je suis Bémen de Blaybrook. Templier, ton nom est devenu légendaire. Tu dois amener la sorcière à Sellerac, où tu détruiras ses pouvoirs. C'est elle la sorcière? Ce n'est pas ce que je vois. J'emmènerai la fille, et si elle n'est pas celle que vous dites, vous ne la brûlerez pas. Le dernier des Templiers, avec Nicolas Cage, un DVD métropolitain.